À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée et du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, les rassemblements et les expositions de livres et de photos se sont déroulés en Grande-Bretagne, en Norvège et au Nigeria. Dans les salles de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les photos montrant les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Aux cérémonies tenues en Grande-Bretagne et en Norvège, on a adopté une lettre et un message à l'adresse du maréchal coréen.